Bonjour à toutes et à tous. Donc je remercie Madame Sonnet de m'avoir invitée à venir parler aujourd'hui aux côtés de Suzanne Van Digg du travail des écrivaines au XVIIIe siècle. Donc trois femmes ont retenu mon attention. Marie-Jeanne Riccoboni, comédienne puis romancière. Louise d'Épinay, pédagogue, connue pour les conversations d'Émilie. Enfin, Françoise de Graffigny, romancière et dramaturge. Toutes trois ont été des épistolières prolixes. Donc, les lettres à la croisée de l'individuel et du social apportent de précieuses informations sur les règles de fonctionnement d'une collectivité et sur la place qui occupe l'individu. Le corpus évoqué aujourd'hui, évacuant volontairement les œuvres de fiction des trois autrices, se constitue donc d'éco-documents que je vais présenter rapidement. Alors il y a donc les lettres de Madame Riccoboni à David Garrick et à Robert Liston, 1764-1783. Les lettres de Madame d'Épinay à Galliani, 1769. C'est bien plus que 1770, il me semble que c'est 1785. J'ai pris que le premier volume, il y a cinq volumes. Enfin, les lettres de Madame de Graffigny à François-Antoine Deveau, 1738-1758. Donc voilà le... J'ai scanné donc le volume des lettres de Madame Riccoboni. Donc le premier volume de la correspondance de Madame d'Épinay avec Galliani, c'est donc chez des Jonquières. Et puis, il y a actuellement 13 volumes de publiés de la correspondance de Madame de Graffigny. Moi, j'ai travaillé à partir du choix de lettres présenté par English Showalter. Alors, de manière à traiter directement de la problématique qui nous intéresse, j'évoquerai au fil de mon exposé certains aspects de la biographie de ces femmes, ainsi que les titres de leurs principales publications, que vous ne connaissez peut-être pas si vous n'êtes pas spécialiste de la période. Donc voilà les dates essentielles pour Madame Riccoboni, Madame d'Épinay. Et Madame de Graffigny. Je vais m'intéresser successivement à leur vie sentimentale, aux circonstances de leur entrée dans la carrière littéraire, au rôle de l'argent, à la fabrique de l'œuvre, enfin à la perception qu'elles ont de leur réussite au sein d'une collectivité qui les assigne en tant que femmes à un rôle domestique. Il s'agit donc dans un premier axe de dessiner le profil sociologique de nos trois écrivaines en esquissant la trajectoire de leur vie sentimentale. Cette perspective me permet également d'apporter quelques éléments biographiques qui vous permettront de mieux les connaître. Donc, des travaux comme celui de Martine Sonnet ont montré que l'ensemble des manuels éducatifs au siècle des Lumières prépare la femme en bonne chrétienne à remplir ses rôles d'épouse, de maîtresse de maison et de mère. Donc, ces fonctions domestiques apparaissant comme nécessaires à l'organisation et à la stabilité de la société, comme le souligne Madame Le Prince de Beaumont dans le Magasin des enfants, les femmes sont faites pour la retraite, il faut qu'elles s'accoutument à l'aimer, et j'ai très mauvaise opinion d'une fille qui aime à courir et à se faire voir partout. Je vous disais il y a quelque temps que les femmes étaient destinées à veiller sur leur famille, comment le peuvent-elles faire si elles sont toujours hors de leur maison ? L'activité d'écriture, la recherche d'un imprimeur, la diffusion de l'œuvre et l'échange intellectuel avec des confrères n'est pas compatible avec cette retraite. En quoi les trajectoires personnelles de Madame Riccoboni, de Madame de Graffigny et de Madame d'Épinay se distinguent de ce projet fixé par la collectivité ? Que nous disent-elles dans leurs lettres de leur éducation et de leur vie conjugale ? Quelle place occupe la maternité dans leur vie ? Donc, tout d'abord, quelle éducation ont reçu Madame Riccoboni, Madame d'Épinay, Madame de Graffigny ? Alors, Marie-Jeanne Riccoboni. Marie-Jeanne Laboras des Mézières est née à Paris le 23 octobre 1713, 8 mois après l'excommunication de son père pour bigamie et le jugement qui annule le mariage de ses parents. À 11 ans, selon les vœux de sa mère, elle entre au couvent pour devenir religieuse. À 21 ans, après de nombreuses lectures qui l'ont détournée d'une vocation religieuse, elle épouse François Riccoboni, fils du directeur de la troupe des Italiens à Paris. Elle rencontre alors Thérèse de Lalande, qui vit maritalement avec Pierre-François Biancolelli. Dès 1734, Madame Riccoboni joue des rôles de seconde amoureuse dans les pièces de Marivaux. En 1757, elle se sépare de son mari, alcoolique, violent et endetté, pour s'installer avec Thérèse. À 43 ans, elle débute une carrière de romancière qui lui apporte immédiatement le succès avec les lettres de Fanny Butler, puis les lettres de Juliette Catesby. Elle rencontre David Garrick vers 1764 et Robert Liston, un jeune Écossais alors précepteur séjournant à Paris, vers 1765. Elle échange avec eux une longue correspondance qui s'achève avec Garrick en 1777 et avec Liston en 1783. Elle meurt en 1792. Le 2 janvier 1772, dans une lettre à Garrick, elle évoque le parcours qui l'a conduit à l'écriture. « Vous me demandez mon histoire ? Est-ce que vous m'en croyez une ? Aucun livre n'a parlé de moi avec connaissance. On ne sait qui je suis et j'ai toujours gardé le silence sur ce qui me concerne. Je devais être riche, je devais tenir une place honnête dans le monde. Dès l'âge de 6 ans, la perte d'un procès m'enleva mon père et ma fortune. On m'éleva comme une fille dont le cloître était l'unique ressource. On ne m'enseigna rien, on fit de moi une bonne petite dévote, propre seulement à prier Dieu, puisque Satan l'a forcée de renoncer à ses pompes. J'ai aimé la lecture. Une grande pensionnaire du couvent où je vivais me prêtait des livres. Ils m'inspirèrent du dégoût pour la vie monastique. Ma mère me fit sortir du couvent, j'avais 14 ans. Elle se trouvait précisément à l'âge que peu de femmes supportent avec patience. Victime de son humeur, chagrinée, querellée, maltraitée, j'écoutais le premier homme qui me fit espérer une société plus douce. Je me mariai pour quitter ma mère. Dès les premiers jours de mon mariage, la perte des 2/3 de sa fortune m'obligea de la prendre chez moi. Elle y a vécu jusqu'à sa mort, maîtresse souveraine de la maison, disposant de tout et me regardant comme une imbécile, trop heureuse d'être gouvernée par elle. À la mort de son mari, Madame Riccoboni confie le 3 juin 1772 un soulagement moral et matériel qui lui permet de se consacrer au travail intellectuel. Il a ruiné sa maison, désolé ses parents, mais n'en parlons plus. Tout ressentiment cesse ou doit cesser avec l'existence de celui qui m'a fait souffrir si longtemps. Toutes les dettes sont acquittées. Il me reviendra 6400 livres et une petite rente de 350 livres. S'il était mort 5 mois plus tôt ou 6 mois plus tard, je perdais tout. Le peu que j'aurai, de la dépendance de moi et l'extrême tranquillité d'esprit où je vais me trouver, rendra ma position assez heureuse. Ainsi, mon ami, je ne vous écrirai plus des lamentations et ma tête sera libre pour songer à la comédie dont je vous ai parlé. » Donc, intéressons-nous maintenant à Madame d'Épinay. Donc, Louise Florence Petroni Tardieu d'Esclavel est née le 11 mars 1726 à Valenciennes. Son père meurt alors qu'elle n'a que 10 ans. Sans ressources, elle va vivre avec sa mère chez l'épouse du fermier général Louis de Lalive de Bellegarde, qui prendra le titre d'Épinay. Louise reste au couvent de 1737 à 1744. Donc, dans une de ses lettres à Galliani, elle dit « Je suis très ignorante, voilà le fait. Toute mon éducation s'est tournée vers les talents agréables. » J'en ai perdu l'usage. Il ne me reste que quelques légères connaissances de ces arts et le sens commun. Chose rare de nos jours, j'en conviens, mais qui ne vaut pourtant pas la peine d'en faire étalage. La jeune fille se marie en 1745 avec son cousin Germain, Denis-Joseph Lalive d'Épinay. Le couple a 2 enfants, Louis-Joseph et Suzanne-Françoise-Thérèse. Mais les infidélités et les dépenses de son mari, qui sera renvoyé de la ferme en 1762, conduisent Madame d'Épinay à demander une séparation de biens qu'elle obtient le 14 mai 1749. En 1748, Madame d'Épinay rencontre Claude-Louis Dupin de Franqueuil, avec qui elle a 2 autres enfants, dont Angélique Françoise Charlotte, future Madame de Belsunce, qu'elle Elle rencontre ensuite Friedrich Melchior Grimm, avec qui elle partage sa vie à partir de 1755. En 1756, elle héberge Jean-Jacques Rousseau, dont elle a fait la connaissance en 1748, dans une maison située sur les terres de la Chevrette à l'Ermitage. Elle commence à cette époque la rédaction d'un roman épistolaire autobiographique à clé, L'histoire de Madame de Montbrillant, et elle diffuse ses premiers textes dans la correspondance littéraire de Grimm. Elle rencontre l'abbé Galiani vers 1760. Exilé à Naples en 1769, il échange avec elle une correspondance régulière pendant donc 13 années, de 1769 à 1770. Dans sa correspondance, Louise confie les joies qu'elle partage avec sa petite-fille Émilie, mais également les peines que lui cause son fils, dépensier, qui sera emprisonné 2 ans sur lettre de cachet, ainsi que sa grande solitude. Je compte Grimm au nombre des perdus, car sa fureur de voyage et tous les grands qui le tiraillent font ou qu'il est absent ou qu'il est à Paris pour tout le monde, excepté pour ses amis. Je ne le vois point. Nous logeons dans la même maison, mais il dîne en ville tous les jours, y soupe très souvent. Il ne nous resterait que de coucher ensemble pour nous voir, mais je suis trop vieille pour en risquer la proposition. La lettre du 15 août 1770 suggère une communication impossible et une solitude irréductible que la sociabilité et l'échange épistolaire n'ont pas transcendé. J'ai toujours subordonné mon sort à la volonté et ma volonté à celle des autres. Personne n'a subordonné son sort au mien, et après avoir ainsi passé ma vie, je mourrai seule et abandonnée. Voilà le sort des femmes, tout ce que j'aime sont aux quatre coins du monde. Madame de Graffigny connaît, comme Madame Riccoboni et Madame d'Épinay, une vie conjugale décevante. Françoise d'Isambourg-Appencourt est née à Nancy en 1695. En 1712, elle épouse François Huguet de Graffigny, officier dans l'armée de Lorraine, dont elle se sépare 6 ans plus tard. Vers 1716, désespérée, Madame de Graffigny demande à son père de la sauver des brutalités de son mari qu'elle a épousé 4 ans plus tôt. Elle a alors 21 ans et donc dans une lettre, « Mon cher père, je suis obligée dans l'extrémité où je me trouve de vous supplier de ne me point abandonner et de m'envoyer au plus vite chercher par monsieur de recours car je suis en grand danger et je suis toute brisée de coups. » Violent, alcoolique et joueur, son mari sera enfermé définitivement dans une maison de santé. 3 enfants nés de cette union meurent en bas âge. Madame de Graffigny devient veuve en 1725. Vers 1730, elle se lie d'amitié avec François-Antoine Devaux, avec lequel elle entretient, malgré quelques disputes, une longue correspondance à partir de 1738. En 1727, elle devient la maîtresse de Léopold Desmarets, jeune officier de 13 ans son cadet. Elle fréquente Voltaire à Cirey, puis en 1739, Madame du Châtelet l'accuse d'avoir volé la copie d'un chant de la Pucelle. À Paris, elle rencontre en 1743 l'avocat Pierre Valéré, ça ne l'intéresse pas, avec qui elle partage ses jours jusqu'à sa mort en 1758. Très jeune, Madame de Graffigny fait l'expérience de l'injustice attachée à son sexe. Dans une de ses lettres à Devaux, elle fait une comparaison entre la condition des hommes et des femmes dont l'évolution dans la société est entravée par les préjugés. « Avec 1000 écus, tu peux mieux remplir les décences et goûter tous les plaisirs de ton état que je ne puis remplir ni goûter ceux du mien avec le double. » Tu peux voir la comédie pour 20 sols, et moi je ne puis à moins de 6 francs. Tu peux aller chercher les promenades à pied, il me faut un carrosse. Tu peux te passer de gants, de 100 choses de décence nécessaires pour moi. Jamais une femme ne peut vivre nettement au même prix qu'un homme. Voilà des vérités, ceux-là qui sont incontestables. Après avoir esquissé la vie de nos 3 écrivaines et la trajectoire de leur vie sentimentale, voyons comment se fait leur entrée dans la carrière de femme de lettres. Pour Madame Riccoboni tout d'abord, il semble que la carrière de comédienne au théâtre des Italiens ait été une contrainte imposée par son mari qui a compromis une carrière de tragédienne pour laquelle elle se sentait faite. Le 2 janvier 1772, elle, toujours dans la même lettre, elle confie à Garrigue les motivations qui l'ont conduit à devenir écrivaine à un âge où sa beauté commence à se flétrir. Parmi ces motivations figurent l'indépendance matérielle et la quête de reconnaissance. Mon talent était le tragique. Les comédiens français me voulaient avoir. Mon mari s'obstina contre eux, contre la cour, contre ses amis. Il me voulut à la comédie italienne. De mauvaises pièces, de mauvais rôles ne m'engagèrent point à travailler, et je ne sais comment j'étais applaudie quelquefois, car je ne prenais pas la moindre peine pour plaire. Le désir de quitter la comédie, de vivre sans assujettissement, m'a conduit à écrire, et mes ouvrages m'auraient procuré de l'aisance sans la piraterie exercée dans la librairie. J'ai acquis de la réputation, c'est beaucoup. En cessant d'être jeune, une femme n'est plus rien. J'existe encore, et quand je ne devrais à ma petite réputation que votre connaissance et votre amitié, je me saurais très bon gré de m'être fait auteur. Nous pouvons donc affirmer qu'à 43 ans, séparée de son époux, Madame Riccoboni a transformé un échec, elle était une mauvaise comédienne du théâtre des Italiens, en une réussite personnelle, puisque dès la parution de son premier roman, Les lettres de Fanny Butler, elle connaît un énorme succès. La dernière lettre de ce roman est publiée anonymement dans le Mercure de France. Le succès confirmé un an plus tard avec l'histoire de Monsieur le Marquis de Crécy, puis les lettres de Juliette Catesby et l'histoire de Miss Jenny qui feront l'objet de nombreuses contrefaçons. Entre-temps, elle publie deux contes dans le monde de Bathilde, la traduction d'Amelia de Fielding. Ajoutons qu'en 1751, elle avait rédigé la suite de Marianne de Marivaux qui paraît 10 ans plus tard. Alors, Madame d'Épinay. Pour Madame d'Épinay, la rencontre avec le critique littéraire Grimm en 1751 est déterminante. Elle partage sa vie à partir de 1755. Dans « Mes moments heureux », Madame d'Épinay évoque affectueusement, dans un passage célèbre qui idéalise le souvenir, le groupe des habitués, ces 5 ours, comme elle les appelle, dont elle est à la fois l'esclave, je cite, hein, l'esclave et la reine, donc Grimm, Duclos, Franqueuil, Diderot et Rousseau. En 1756, elle héberge Jean-Jacques Rousseau à l'Ermitage sur les terres de la Chevrette. Elle commence alors à rédiger des pseudo-mémoires ou romans épistolaires à clé, l'histoire de Madame de Montbrillant ou les contre-confessions, intitulées ainsi car présentées comme un correctif aux confessions de Rousseau avec qui elle s'est disputée. La première préface de l'histoire de Madame de Montbrillant, intitulée alors « L'histoire de Madame de Rambure », pose la question de la sincérité et de la vérité de l'être sous le regard de l'autre et pour la postérité. L'écriture doit rectifier une image au féminin déformée par la rumeur. Mon but en publiant l'histoire de ses malheurs est de la justifier aux yeux du public du soupçon de légèreté, de coquetterie et de manque de caractère dont j'entends encore quelquefois offenser sa mémoire. Dans l'histoire de Madame de Montbrillant, la culture et l'écriture ne permettent pas en société de s'affranchir du regard de l'autre et des rôles qu'il attribue à la femme. Elles sont néanmoins, pour Madame d'Épinay, comme le révèle sa correspondance avec Galliani, source de liberté intérieure, gage de bonheur au féminin et promesse de postérité. Les deux premières parties de l'histoire de Madame de Montbrillant raconte en effet l'asservissement puis la lente émancipation de l'héroïne de ce regard qu'accompagne la découverte de l'écriture et de la création littéraire. En 1756, Madame d'Épinay diffuse également ses premiers textes dans la correspondance littéraire de Grimm. Il s'agit de pièces de société, des textes épistolaires comme « Première lettre à mon fils » ou « Attirant le blanc » qui n'est autre que Grimm, poésie pastorale comme « Le cadran de l'amour » compte comme « Tout vient à point qui sait attendre ». En 1756, les 5 contributions de Madame d'Épinay relèvent toutes du genre épistolaire, établissant un lien direct entre sociabilité au féminin, galanterie et accès au monde des lettres. Mais dans la correspondance littéraire, Grimm présente cette activité comme un simple divertissement. Voici une épître qui m'a été adressée par Madame, dont vous avez vu des lettres à mon fils. Elle partage entre ses enfants et ses amis un temps que les femmes de son âge donnent ordinairement au plaisir et à la dissipation. Pour l'intelligence de cette épître, il faut savoir qu'elle appelle les amis avec elle, lesquels elle passe sa vie, ses ours. que par la même plaisanterie, on m'a donné dans sa société le nom de Tyran Leblanc et qu'on appelle Académie chez elle, à la campagne, lorsqu'après la promenade, tout le monde se rassemble dans le salon de compagnie pour travailler chacun de son côté dans son coin. Le portrait que fait en juin 1774 Mester, second directeur de la correspondance littéraire, à l'occasion de la publication dans le périodique de la 10e conversation d'Émilie, confirme l'association implicite faite entre écriture littéraire au féminin et fonction de pédagogue. Les principes de l'éducation n'ont peut-être jamais été mieux approfondis, mieux développés que de nos jours. Il ne nous manque que de bons livres élémentaires pour en faciliter l'application. Une femme de beaucoup d'esprit et d'une raison très supérieure encore à son esprit vient d'en composer un à l'usage de sa fille, dans lequel nous avons cru trouver l'exécution la plus heureuse du catéchisme moral dont Jean-Jacques a tracé le projet dans son Émile. La première édition des Conversations d'Émilie, anonyme, paraît en 1774. La seconde édition, remaniée augmentée, paraît en 1781 et reçoit le prix de l'Académie. L'Académie, largement favorable aux philosophes, couronne le livre face à Adèle et Théodore de Madame de Genlis. Donc Louise d'Épinay meurt le 15 avril 1783. Madame de Graffigny, elle, fait ses premiers essais littéraires à la cour de Lorraine avec son cercle d'amis, auquel appartiennent alors François-Antoine Deveau, l'actrice Cléron Lebrun et Nicolas Liébaud. La correspondance avec Deveau fait mention d'un projet d'écriture qui n'aboutira pas, celui d'une pièce intitulée « Héraclite ». Les difficultés matérielles ne permettent pas à Madame de Graffigny de trouver suffisamment de temps à consacrer à l'écriture d'un projet personnel. Puisque tu me parles d'Héraclite, je vais t'en parler. Je l'ai montré aux gens que tu sais. Attis, c'est donc Voltaire, l'a fort loué et fort blâmé. Il voudrait que j'abandonnasse ce triste personnage, c'est-à-dire qu'il ne parut que dans deux ou trois scènes et qu'au lieu d'une information de vie et de mœurs, je poussasse l'intrigue sur la méprise de la soubrette et de la maîtresse. Il la trouve neuve et charmante. Si j'ai jamais un état plus tranquille, j'en prendrai les matériaux dont je pourrais me servir pour un autre titre. C'est dans une activité collective et mondaine que s'inscrit la première production achevée par Madame de Graffigny, qui est stimulée par les rencontres faites chez son amie Nicole, Mademoiselle Quinault, qui reçoit dans son salon un petit groupe de fidèles, Caius ou Blaise, la Merluche, qui est l'abbé de Voisenon, Crébillon fils, appelé le petit, Duclos, la Rancune. Le petit groupe décide de publier le recueil de ces messieurs pour lequel chacun apportera sa contribution. Madame de Graffigny propose une nouvelle espagnole. Suit en 1744 un volume de 5 contes, projet pour lequel Madame de Graffigny écrit un conte de fées, La princesse Azerolle, suivant un plan fourni par Caylus. Mon roman ou nouvelle a été loué par Blaise, qui est Caylus, jusqu'au nu. Il m'a demandé 1000 excuses de m'avoir donné un si mauvais canevas. Je n'en retranche pas un mot, mais au contraire, il voudrait que j'en ajoutasse une page. Elle décrit alors pour Deveau ses sentiments sur le travail littéraire qu'elle compare à un accouchement. Enfin, le grand œuvre est fini. J'ai encore passé hier la journée avec mon grenadier à relire et corriger quelques mots et ponctuer. Cela fut fini à 6 heures. En vérité, on a raison de l'appeler enfantement. J'ai été presque aussi aise qu'après être accouchée. Mon écritoire me puait à tel point qu'il fallut prendre sur moi pour écrire à Nicole en lui envoyant. J'en fis le paquet tout de suite pour ne plus le voir. Quand le frotteur de Blaise l'aura copié, je demanderai celle de mon grenadier et je t'enverrai. Je crois que tu n'en seras guère content. Je le trouve pitoyable. On ne fait rien de bon par force. Au début de mars 1745, le recueil de ces messieurs est imprimé. Madame de Graffigny trouve finalement que sa contribution est supérieure à celle des autres. Rapidement, l'argent s'impose comme un élément déterminant dans la carrière de l'écrivaine qui, séparée d'un mari dépensier et endetté, doit trouver elle-même une source de revenus. Donc, évoquons plus que brièvement la notion de propriété intellectuelle au XVIIIe siècle, afin de mieux comprendre les contraintes financières auxquelles sont soumises les auteurs. Donc, dans sa 9e leçon consacrée à l'œuvre et à l'auteur, Antoine Compagnon rappelle qu'au XVIIIe siècle, donc je cite, « la majorité des auteurs disposent d'une fortune personnelle ou occupent une charge, par exemple celle d'historiographe du roi, charge donc qui n'est pas accessible aux femmes. Néanmoins, les auteurs sont alors de plus en plus nombreux à espérer subsister plus ou moins largement de leur travail. Depuis le siècle précédent, le privilège royal, qui équivalait à un monopole d'exploitation, ne profitait qu'aux seuls libraires. En 1777, des arrêts du Conseil d'État du roi reconnaissent les revendications des auteurs. Donc toujours Antoine Compagnon. L'auteur peut éditer et vendre ses ouvrages, tandis que le privilège du libraire a une durée limitée. Les privilèges des auteurs fondés sur l'activité créatrice sont perpétuels, car il existe une différence de nature entre cédant, l'auteur, et le cessionnaire, le libraire. L'arrêt sur les contrefaçons et sur le colportage prévoit quant à lui des amendes, saisies et déchéances. Dans leur correspondance, Madame Riccoboni, Madame d'Épinay et Madame de Graffigny voient dans les libraires des fripons. Elles s'inquiètent également des contrefaçons qui leur font perdre beaucoup d'argent. Rapidement s'impose l'idée d'obtenir une pension royale qui libère de toute contrainte pécuniaire. Le 3 janvier 1767, Madame Riccoboni est pessimiste. L'argument qu'elle avance pour ne pas répondre à l'invitation de son ami anglais Garrigue est financier. Que ferais-je dans un pays où l'on prise la fortune, où elle est plus nécessaire qu'à Paris, où il n'est pas honnête de loger au second? Je paraîtrais un dirty auteur, une garrette, il n'y faut pas songer. Si mon état changeait, mais comment changerait-il? On ne donne point de pension en France. On en accorde, c'est assez vous dire que je n'en aurai de ma vie. Toutes mes espérances réduite à penser que le temps me débarrassera de pourvoir pour les autres. Si je reste seule, ma modération me tiendra lieu d'un accroissement de fortune et peut-être alors irai-je voir mes amis en Angleterre. Mais Madame Riccoboni se trompe. En 1772, Louis XV lui accorde une gratification annuelle de 2000 livres à la demande de Madame du Barry. Cette gratification sera remplacée en 1780 par une pension du même montant. Le 21 juin 1772, elle annonce la bonne nouvelle à Robert Liston. Mais comptant sur l'aide de Garrigue, dramaturge reconnu et influent, elle demande à Liston de se taire. Sans aucune sollicitation de ma part, sans avoir fait une seule démarche, je me trouve inscrite sur la liste des gens de lettres, dont le roi daigne encourager le travail par ses bienfaits. Monsieur le duc d'Aumont m'annonça il y a quelques jours les bontés de Sa Majesté. Il me dit que j'étais écrite du 1er janvier de cette année pour 2000 livres de gratification annuelle. Il m'étonna fort, je crus qu'il se trompait, nous pensâmes nous quereller. Cependant, j'avais tort. Le bienfait du roi est réel et j'en ai reçu les compliments. Notez que 2000 livres est la plus forte pension accordée aux gens de lettres. Ainsi, je suis traitée avec beaucoup de distinction. Ce qui va vous surprendre davantage, c'est que je dois ma nouvelle aisance à Madame la Comtesse du Barry. Informée, je ne sais comment, de la médiocrité de ma fortune, elle a demandé une pension au roi et l'a demandée avec empressement. En vérité, mon ami, je suis riche. Ne parlez à personne de cette pension. J'ai une raison de cacher à Monsieur Garrigue ce bienfait du roi. Je voudrais, avant de lui en faire part, savoir ce qu'il médite. Ce serait une sorte d'orgueil et même une espèce d'ingratitude de lui ôter le plaisir de m'obliger. J'ai lieu de penser que la traduction de Sophie se vend à mon profit. Dans les lettres envoyées à Garrigue, Madame Riccoboni traite de ses affaires qu'elle suit avec le plus grand intérêt. Elle dénonce notamment des relations tendues avec Beckett, le libraire anglais, recommandé par son ami. Évoquant la traduction de ses œuvres et leur diffusion en Angleterre, la romancière s'affirme comme un auteur propriétaire de son œuvre. Le 27 novembre 1770, elle annonce à Garrigue qu'elle a renoncé à son privilège d'auteur, contrainte, je cite, par la furie des contrefaçons qui enrichissent des fripons. Elle doit néanmoins retarder ce projet qui l'aurait libéré de contraintes matérielles fortes, notamment celles qu'impose le calendrier des publications. L'écriture n'est pas une distraction, mais une activité à plein temps qui est source de revenus. La propriété de l'œuvre et sa valeur font l'objet de contrats négociés entre Madame Riccoboni et Beckett, tous deux soucieux de leurs intérêts et dont les rôles, révélateurs des droits d'auteur au XVIIIe siècle, ne sont pas toujours distincts. Affirmant une conscience certaine de la valeur de son travail, Madame Riccoboni se révèle une négociatrice efficace et exigeante. L'obtention d'une pension assure non seulement une garantie matérielle, mais également inscrit officiellement la romancière dans le champ littéraire de son temps, car l'institution reconnaît désormais en Madame Riccoboni un auteur professionnel. À la fin de sa carrière, en 1779, elle se lance dans la mode d'inspiration médiévale, promesse d'un revenu assuré. J'écris, je fais des histoires anciennes, cette petite occupation me rapporte un profit raisonnable et me distrait. Alors qu'en est-il pour Madame d'Épinay ? En 1762, son mari, qui a déjà beaucoup de dettes de jeu et qui mène une vie débauchée, perd sa charge de fermier général. À Paris, Madame d'Épinay quitte son logement de la rue Saint-Honoré, où elle habitait depuis 1748, pour s'installer rue Sainte-Anne. La taille de l'habitation, qui n'autorise plus les mêmes rassemblements, est le signe du déclassement social dont les conséquences sont également morales. Madame d'Épinay vit de ses rentes personnelles, mais elle est atteinte en 1771 par la semi-banqueroute de l'État. Sa destitution est source de curiosité. Elle suscite dans un premier temps un nombre accru de visites, puis viennent l'isolement et la solitude, enfin l'oubli. Du point de vue spatial, la dernière étape du déclassement est l'installation dans une petite maison, Faubourg Monceau, à la périphérie de la capitale. Madame d'Épinay ne peut pas tenir un salon comme celui de Madame Necker ou de Madame Geoffrin, sur lequel elle ironise en août 75 dans une lettre à Galliani. « J'espère que vous me ferez faire sa connaissance, donc c'est celle du marquis de Caraccioli, et que vous me noterez comme une de vos meilleures amies, à qui il ne manque que 60 000 livres de rente pour avoir la réputation de bavarde comme une autre, chose dont je me flippe pour parler poliment. Mais raillerie à part, son arrivée m'a fait grand plaisir. » La publication de « Mes moments heureux » en 1752, et des lettres à mon fils, 1758, se fait assez frais pour ses proches. Madame d'Épinay ne parle pas de ses relations avec les éditeurs, si ce n'est pour aider Galliani à faire publier son dialogue sur les blés. Elle joue en effet pour lui le rôle d'intermédiaire avec Merlin, un libraire dur en affaires. Quant à ses contributions à la correspondance littéraire, elle semble bénévole. Les lettres de Madame de Montbrillant sont éditées de manière posthume en 1818. Enfin, nous ne savons pas si le prix d'utilité de l'Académie française qu'elle reçoit pour les conversations d'Émilie en 1783 lui apporte un soulagement financier dans les dernières semaines de sa vie. En revanche, la correspondance de Madame de Graffigny avec Devaux constitue, comme celle de Madame Riccoboni, un document riche de renseignements sur les implications financières du métier d'écrivaine au XVIIIe siècle. Madame de Graffigny, comme Madame d'Épinay, connaît des déménagements successifs. Elle est logée chez Madame Badeau, puis bénéficie de l'aide de la duchesse de Richelieu. De 1742 à 1751, elle s'installe dans une maison près de l'actuelle gare du Luxembourg. Elle pense en 1744 avoir réglé ses problèmes financiers après avoir conclu un contrat avec un homme d'affaires, Pierre Pascal, qui lui donne une part dans une société qui exploite les fermes de Poissy et de Sceaux. En juillet, ne recevant pas le premier versement, elle comprend que l'affaire tourne mal. En 1745, faute d'argent, Madame de Graffigny ne sort plus. Le 13 août 1745, elle envisage de prendre la plume pour gagner sa vie. Elle se consacre à l'écriture des lettres d'une péruvienne et de Séni, dont elle parle à Devaux. « Tu crois donc que j'ai du plaisir à écrire ? Pas plus que tu m'en as vu. Ce n'est qu'en me forçant, en regrettant le temps que j'y emploie qui me servirait à lire. Mais j'ai en tête d'avoir des couverts. Les miens sont cassés. Je ne me sers depuis plus de 2 ans que de ceux de l'abbé. La comédie, ce n'est que pour avoir de l'argent. En somme, si elle réussit, je l'avouerai, et ne demanderai une loge à mes ordres une fois le mois ou deux pour les entrées et la part d'auteur. Voilà mes uniques desseins. » En 1745, Pierre Pascal vient lui annoncer que les affaires de leur société se sont encore dégradées. Mais en 1748, le succès des lettres d'une péruvienne marque le début d'une vie meilleure. En octobre 1749, la princesse Charlotte apprend à Madame de Graffigny que l'empereur François-Étienne a augmenté sa pension. « Mon Dieu, quelle année avantageuse pour moi, mon ami. Je suis plus riche depuis aujourd'hui de 1 000 francs que je ne l'étais hier. J'ai reçu une lettre de ma belle princesse par laquelle elle me mande que l'empereur m'a donné 1 000 livres d'augmentation et que cela fera 1 500 avec les 5 que j'avais. La belle des belles me mande aussi que ma première comédie sera jouée le jour de la Saint-François. » À la fin de sa vie, Madame de Graffigny se dépêche d'écrire une comédie, Zimmermann et Zénine, pour les enfants de l'empereur. La fonction de préceptrice apparaît alors comme le moyen le plus simple de gagner sa vie. En 1750, l'auteur évoque ses relations avec la veuve Pissot, éditrice des lettres d'une péruvienne qui, pense-t-elle, l'a volée. « Non, tranquillise-toi, Zilia ne sera pas mariée. Je ne suis pas assez bête pour cela. » Je n'ajouterai même rien à sa personne ni à ses sentiments, mais seulement je lui ferai remarquer des ridicules qui lui étaient échappés. En voici la raison. J'en veux tirer parti et pour cela, faire des corrections ne suffisent pas. Il faut de l'augmentation. Alors pour l'acquis de la plus raffinée probité, je les ferai proposer à la Pissot. Quoiqu'ayant épuisé les éditions, n'ayant point de privilège, le livre est autant à moi qu'à elle. Je ne dois pas penser tout cela, mais je lui mettrai 1 000 écus. Elle le prendra ou ne le prendra pas. Si elle refuse, peut-être je ferai imprimer à mes frais ou je la laisserai à Duchesne, qui n'est pas éloigné des 1 000 écus. J'ai déjà commandé l'estampe, les vignettes et fleurons, qui seront bien jolis. Je la ferai imprimer de la même forme que Séni. Cela la fera vendre pour en faire un volume raisonnable. Donc, dans quelles conditions travaillent les écrivaines? Quelles sont leurs sources d'inspiration? Quelle place prend l'écriture dans leur vie quotidienne et dans leur vie sociale? Les correspondances apportent des renseignements précis sur la fabrique de l'œuvre entre plaisir et labeur. Pour Madame Riccoboni, l'écriture est un travail contraignant. Elle confie à Liston, le 2 mai 1767, « L'écriture me vieillit et me tue ». Néanmoins, l'activité intellectuelle peut être salvatrice. Elle dit encore, l'étude est la plus grande et la plus utile des distractions. Dès 1765, alors qu'elle rédige les lettres de Madame de Sancerre, elle reconnaît se lasser d'écrire des romans. À présent, je suis sur un autre objet, un maudit roman, dans le goût de Catesby. Il m'occupe, il m'ennuie, il ne veut pas avancer. Je défais en un matin l'ouvrage de 3 semaines. Je me relis, je me déplais, crac, tout est en pièces. Ce roman l'embarrasse particulièrement, car la situation de l'héroïne est trop éloignée de la sienne. En 1768, elle entreprend de traduire des pièces anglaises, dit-elle, pour se distraire. Mais ce qui l'ennuie le plus, c'est le ton mièvre de la mode sentimentale qu'elle doit suivre pour être lue. Faire encore des romans, toujours parler d'amour, de sentiments, de passion. Je suis bien grande pour m'occuper de ces propos enfantins. Le temps où j'aimais est si loin de moi. Quand je m'applique à peindre les transports de 2 jeunes amants, il me semble que je radote. Donc, dans un précédent travail, j'ai montré le mariage contraint des femmes avec le genre sentimental et les larmes, qui nous invite à rechercher dans les œuvres des romancières des effets de parodie et de jeu sur les stéréotypes de ce genre littéraire. Dans la 12e conversation d'Émilie, Madame d'Épinay souligne également les vertus du travail intellectuel. Donc la mère, lorsque vous portez vos soins à cultiver votre raison et l'orner de connaissances utiles et solides, vous vous ouvrez autant de sources nouvelles de plaisir et de satisfaction. Ce sont des biens que personne ne peut vous enlever, qui vous affranchissent de la dépendance des autres, puisque vous n'en avez pas besoin pour vous occuper et pour être heureuse. La correspondance échangée avec Galiani montre que la pédagogue s'est directement inspirée de ses conversations avec sa petite fille. C'est elle qui est l'auteur de la lettre du sieur Éloi Godard, dont la gaieté ravit l'abbé, ou bien du conte de fées que lit l'héroïne dans la 14e conversation. Oui, la lettre du régisseur est absolument de ma composition, et ce que je puis vous certifier sans la moindre exagération, c'est qu'elle a été composée il y a 2 ans cet été, dans les intervalles d'une colique néphrétique, où je fus si mal que l'on me donnait de 3 heures en 3 heures 5 grains d'opium. Ce n'est pas la seule fois que j'ai eu l'occasion de remarquer que les douleurs vives exaltent ma gaieté naturelle. Quant à sa collaboration à la correspondance littéraire, elle apparaît très souple et peu exigeante. Mester définit dans une lettre qu'il envoie en 1812 à Jean-Baptiste Suard les conditions des premières années de travail avec Diderot et Louise d'Épinay. Madame d'Épinay s'est crue longtemps engagée à me fournir un assez grand nombre d'articles, mais qu'elle me permettait d'arranger à ma manière. La rédactrice elle-même fait allusion à son travail bénévole dans ses lettres à Galliani. La collaboration s'impose comme le résultat de circonstances plus que le fruit d'une longue réflexion, puisqu'il s'agit de remplacer Grimm, parti en voyage. Je travaille pour cette chaise de paille, donc c'est Grimm, tant que je puis, et cela me fait du bien, tandis qu'elle court comme une folle en Allemagne, sans rime ni raison et sans savoir pourquoi. Dans sa correspondance avec Devaux, Madame de Graffigny évoque avec plus de détails les modalités d'un travail collectif. Le 14 mars 1745, elle rapporte une discussion animée avec Cahussac, La Douceur et Duclos. Échange d'opinions, la discussion devient rapidement critique et dispute au sujet du recueil de ces messieurs pour savoir qui a fait la meilleure pièce. En septembre 1745, Madame de Graffigny envoie à son amie quelques lettres de Zilly, première version des lettres d'une péruvienne. Elle tient compte de certaines remarques de Devaux, mais se montre ferme sur certains choix, comme Cusco, ville Inca, tout à fait vraisemblable selon elle. En 1746, utilisant la métaphore de la tapisserie, activité féminine par excellence, elle suggère le soin qu'elle apporte à son travail dans l'espoir d'obtenir une bonne rémunération. À propos de Zilly, tu as raison, c'est assurément par vanité que j'éprouve tant de peine. Mais c'est de la même qui me fait défaire une feuille mal nouée dans ma tapisserie autant de fois qu'elle n'est pas à mon gré, et non pas cette sottise de faire parler de moi, à laquelle je ne songe en vérité jamais directement. Quoique je crois bien que si je devais le jeter au feu, je n'y prendrais pas tant de peine. Mais ma principale idée est toujours que plus il sera bien, plus mon livre vaudra. En juin 1750, Madame de Graffigny surveille les répétitions de sa pièce Cénie, fait les dernières révisions et s'occupe même des costumes. 2 ans plus tard, elle confie, comme Madame Riccoboni, à quel point le métier d'écrivaine est ingrate. « Me revoilà dans mes presses, je ne respire pas et je suis excédée d'écriture et de patience. » Pour conclure sur la fabrique de l'œuvre, notons que les 3 correspondances révèlent un aspect peu étudié par la critique littéraire, le rôle de mentor joué par des écrivaines auprès d'hommes parfois plus jeunes qu'elles et qui n'ont pas encore atteint le même stade dans leur carrière. Ainsi, dans de nombreuses lettres, Madame Riccoboni conseille Liston, apprenti littérateur. Madame d'Épinay s'occupe de la publication en France du dialogue sur les blés de Galliani, exilé à Naples. Enfin, pendant des années, Madame de Graffigny met toute son énergie et son influence au service de la représentation de la pièce de Devaux, Les égarements indiscrets, sur la scène de la Comédie française, qui se fera donc en octobre 1752. Donc nous avons montré que la littérature est un moyen de gagner sa vie pour des femmes séparées d'un époux dépensier et endetté. Mais l'activité intellectuelle répond à d'autres attentes plus profondes. Elle est notamment une forme d'engagement. Je ne reprendrai pas aujourd'hui les travaux qui se sont attachés à montrer le féminisme de nos 3 écrivaines. Malgré le labeur, l'écriture permet un accomplissement de soi. Quel regard portent les 3 écrivaines sur leur parcours professionnel? Quelle image de l'auteur construisent-elles au fil de l'échange épistolaire? En définitive, comment concilient-elles l'exigence de modestie et de discrétion attachée à leur sexe avec leur succès professionnel? Madame Riccoboni, en dédicaçant les lettres de Sophie de Vallière à Garrick, reconnaît l'intérêt qu'elle peut trouver dans son amitié, ainsi qu'une certaine prétention qui vise à avoir une bonne image de soi. Mais pourquoi donc me dédier ces lettres, m'allez-vous demander? Pourquoi, monsieur? Pour vous donner une preuve publique de ma sincère estime, de ma tendre et très tendre amitié, par reconnaissance du soin que vous voulez bien prendre de l'entretenir, peut-être aussi par vanité. Souvent, l'amour-propre caché au fond de notre cœur dirige nos démarches sans nous laisser apercevoir qu'il les guide. Pourtant, à l'occasion de la réception à l'Académie française du Chevalier de Châtelus en mai 1775, et alors qu'elle est connue, l'auteur ne revendique pas son appartenance au genre de lettres dont elle dénonce la fatuité. « Voilà le chevalier dans les nues. Quelle gloire de se trouver assis parmi les cordons bleus de la littérature. Cette place ne me tenterait point du tout. Une assemblée de gens d'esprit me paraît bien platement occupée à se complimenter sans cesse. Le nouvel agrégé vient louer ces messieurs. Ces messieurs le louent. Et tous ensemble attendent la mort d'un de leurs confrères pour être loués encore. Oh, comme cela m'ennuierait. Quel supplice pour moi si j'étais obligée de recevoir ces louanges d'usage et de les rendre en dépit du bon sens et de la vérité. » Dès 1772, elle adoptait, non sans une certaine coquetterie, la posture de la modestie. « J'ai acquis de la réputation, c'est beaucoup. Je l'ai déjà cité. En cessant d'être jeune, une femme n'est plus rien. J'existe encore, et quand je ne devrais à ma petite réputation que votre connaissance et votre amitié, je me saurais très bon gré de m'être fait auteur. » Humilité feinte, si l'on songe à la correspondance avec Laclos, dont elle prend l'initiative au moment de la parution des Liaisons dangereuses en 1782. « Vous êtes bien généreux, monsieur, de répondre par des compliments si polis, si flatteurs, si spirituellement exprimés à la liberté que j'ai osé prendre d'attaquer le fond d'un ouvrage dont le style et les détails méritent tant de louanges. Vous me feriez un tort véritable en m'attribuant l'impartialité d'un auteur. Je le suis de si peu de choses, elle le dit en 1782, hein. Je le suis de si peu de choses qu'en lisant un livre nouveau, je me trouverais bien injuste et bien sotte si je le comparais aux bagatelles sorties de ma plume et croyais mes idées propres à guider celles des autres. La cénobite ignorée, comme elle se qualifie elle-même, fait même preuve d'audace en reprochant à Diderot en 1758 de ne pas lui avoir montré le manuscrit du père de famille. Dans une lettre du 4 janvier 1771, Madame d'Épinay joue également de l'humilité et de la prétention dans un autoportrait mené avec dérision. « J'aime à causer avec mes amis en toute sécurité et je ne veux pas avoir de rôle à jouer. Est-ce orgueil? Est-ce modestie? Je n'en sais rien. Peut-être l'un et l'autre. La réputation d'une femme bel esprit ne me paraît qu'un persiflage inventé par les hommes pour se venger de ce qu'elles ont communément plus d'agrément qu'eux dans l'esprit. » D'autant qu'on joint presque toujours à cette épithète l'idée d'une femme savante, et la plus savante n'a et ne peut avoir même que des connaissances superficielles. Il me prend l'envie de disserter ceci pédantesquement. Le 13 avril 1770, elle revendique même l'exclusion de la classe des gens de lettres qui ont refusé qu'elle participe à la cotisation qui doit permettre d'ériger la statue de Voltaire faite par Pigalle. En effet, elle n'est pas assez fortunée et n'a encore rien publié d'imprimé, hormis donc les deux petits ouvrages « Mes moments heureux » en 1758 et « Les lettres à mon fils » en 1759. Quant à moi, vous voyez que je suis exclue. Aussi tout cela m'a-t-il passé devant le nez, car je ne suis ni assez riche, ni assez vaine pour être imprimée. Madame Necker, qui a imprimé dans le Mercure et qui est riche, est souscrivante. Je ne sais pas imprimer tout ce que je pense et je ne le dis qu'à mon charmant abbé et à un ou deux amis que je sais aussi discrets que lui. Ainsi, je n'y aurais rien gagné et je n'aurais pas eu ma part de gloire à deux louis. Néanmoins, Madame d'Épinay évoque la perspective de la postérité apportée par son échange épistolaire avec Galiani. Vous êtes insupportable en me rappelant que notre correspondance sera imprimée après nous. Je le savais bien, mais je l'avais oublié. Voilà à présent que je ne sais plus que vous dire. L'immortalité me fait une peur épouvantable. Dans la préface de la deuxième édition de 1782 des Conversations d'Émilie, elle prétend même modestement que l'ouvrage n'était pas destiné à la publication. Madame de Graffigny, elle aussi, utilise l'autodérision alors qu'elle vient de dîner avec des académiciens de l'Académie royale des sciences en septembre 1739. Elle n'est nullement impressionnée par les auteurs à succès. « J'ai dîné avant-hier avec cet abbé de Saint-Pierre qui fait tant de livres. Cela m'a fait plaisir. Ah, comme il est vrai que dans le reste du monde, il n'y a pas une société comme la nôtre. Tu le connaîtrais bien mieux si tu voyais ces hommes qui nous paraissent des géants et à qui je ne trouve pas un pouce plus qu'à nous, au moins du côté de l'esprit et du bon sens. Elle ne place pas sur un piédestal ses productions intellectuelles, fruits d'un travail laborieux. Ni la gloire, ni le goût n'ont aucune part à mon travail, et je te jure bien, dussé-je vivre 1000 ans de ne faire que ces deux ouvrages. S'ils sont mauvais, je les brûle, ils seront non avenus. Mets-toi donc bien cela dans la tête, et que je n'écrirai jamais pour mon plaisir ni pour la gloire, que je tâche de faire le mieux qu'il m'est possible, parce qu'au pis-aller, si on sait que c'est de moi, j'ai l'amour propre là-dessus, pareil à celui de ne pas aller dans le monde avec une robe tachée. Il ne va pas plus loin. En juin 1750, le succès de la première représentation de Séni dépasse toutes les attentes. Madame de Graffigny s'applique à garder la tête froide. Elle ne se laisse pas charmer par une renommée qui lui apporte des offres pourtant flatteuses. Elle refuse ainsi la proposition de la margrave de Bayreuth, sœur de Frédéric de Roi de Prusse, d'aller vivre avec elle en choisissant ses conditions. Ne crois pas, avec ma profonde indifférence pour toute matière d'ambition, que je ne sois pas flattée de la proposition, elle m'a fait plaisir. En janvier 1751, c'est avec surprise qu'elle apprend que l'abbé Prévost parle dans la préface de sa traduction de Clarissa de la mère de Zilia et de Séni. En octobre, en allant faire ses courses au Gobelin, honteuse et déconcertée, je cite donc, elle prend conscience de sa célébrité aux cris d'admiration et de félicitations qui l'accueillent. Et en janvier 1752, elle demande même à Devaux de brûler ses lettres, inquiète qu'après sa mort, tout le monde les lise. Quand j'étais obscure et inconnue, je m'en souciais moins. À présent, je t'avoue que je serais fâchée que l'on barbouille à mon buste de 1000 petits et gros secrets qui ne doivent être connus que de toi. Mais cette posture assumée, voire revendiquée, également par Madame Ricomodi et Madame d'Épinay, est suspecte. Ambivalente, elle est caractéristique de la femme auteur au XVIIIe siècle. Donc pour conclure rapidement, le parcours personnel et professionnel de Madame Ricomodi, de Madame d'Épinay et de Madame de Graffigny présente des points communs. Donc une vie conjugale décevante, la nécessité de gagner sa vie, et le professionnalisme de leur relation avec les libraires, la dénonciation de la construction sociale des genres, dont l'éducation des petites filles est un des instruments, l'amitié et l'échange épistolaire régulier avec des hommes qu'elles aident dans leurs propres projets, une posture ambivalente entre conscience de sa valeur et modestie qui se résout dans l'autodérision. Enfin, une place à la périphérie du champ littéraire de leur temps, malgré des succès éditoriaux.